bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue au Lobster 73.0. Un lobster qui nous permet d'amorcer en pleine pandémie la saison 3 du Lobster. Et oui, mes nouvelles saisons du Lobster démarrent quand je renouvelle ma licence de la SOCAN. J'ai appelé aujourd'hui, 13 août 2020, à la SOCAN et j'ai parlé avec Colonel Phileas qui s'occupe de mon dossier depuis 3 ans et il m'a juste dit que j'avais déjà payé ma licence jusqu'à la fin de l'année. Je m'en souvenais pas. Le Lobster numéro 1, lui, est sorti le 24 mai 2018, donc on était dû pour un début de saison. Bien sûr, j'ai manqué de rigueur à produire des épisodes durant la pandémie. Est-ce que rigueur est le bon mot? Je suis pas sûr. Je pourrais dire que j'ai perdu de mon capital de motivation au début de la pandémie, ce qui explique les précédents Lobsters où je m'amusais avec le personnage de Foxy Mox. C'était ma façon de vivre la pandémie avec le Lobster, j'imagine. Mais j'ai bien aimé le personnage, donc il reviendra probablement, car je l'aime bien. Donc, je pense que c'est ça. La pandémie m'a affecté. Pas affecté en termes de dépression, non, je suis beaucoup trop de bonne humeur en ce moment. De ce côté-là, aucune crainte, je suis trop heureux de pouvoir faire du télétravail à temps plein. Yeah, baby! J'ai jamais été aussi bien, je vis le bonheur en ce moment, pas de perte de temps en trafic. J'ai toujours bien travaillé de la maison et j'ai deux bons collègues avec qui j'ai bien du fun. On se parle tous les jours via Team, on jase boulot et d'un peu n'importe quoi. On a du fun ensemble, on est quasiment plus proche depuis qu'on est pandémique, car on se jase un peu plus. La seule inquiétude qu'on a eue à un moment donné côté travail, c'est notre plan. Quand on est tombé en télétravail à temps plein du jour au lendemain au mois de mars, on a oublié notre plante et il n'y avait plus personne au bureau pour l'arroser. Moi, dans mon bâtiment, les 8 étages sont fermés. Il faut une autorisation pour entrer. Donc, notre plante, une espèce de plante grasse qu'un ancien collègue nous avait léguée avant de quitter Desjardins et qui survivait, la plante bien sûr, dans un simple verre Tim Hortons, elle avait la santé précaire déjà avant la pandémie. Donc, quand je suis retourné au bureau en mai pour une courte visite et que je suis allé me chercher un deuxième écran d'ordi pour la maison, j'ai trouvé notre plante. Elle était dans un état un peu tristounet. À moitié morte, si on veut le dire franchement. Je l'ai bien sûr ramenée chez moi, où elle a fait un séjour intensif dans ma serre, branchée sur respirateur. En fait, je l'ai juste bien arrosée. Et je peux maintenant vous dire qu'aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi belle. Avant, on avait juste un petit chicot de plante qui survivait dans un verre. Et maintenant, j'ai une grosse plante grasse que j'ai mis dans un gros pot. Elle n'arrête pas de grossir, elle est rendue à 8 branches séparées. Donc, la vie est belle, on a réchappé notre plan. Maintenant, comme ma licence musicale est toujours valide, on écoute un peu de musique et au retour, j'ai plein de sujets. J'ai fait le plein durant la pandémie. En fait, il m'est arrivé des choses rigolotes. Donc, dans ce Lobster, on parle de moufettes, de factures indécentes de Vidéotron, du compte de dépenses, télétravail, de plein de choses. J'ai vraiment fait le plein et surtout, je vous parlerai de ma nouvelle passion sportive, le... On en parle au retour. Personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail. Je rêve du coste et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison, moi aussi j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle, je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a la rupture de stock. Ça m'énerve. devant Bichat la folie. Ils prennent que les VIP. Moi j'arrive sur mon brancard. On me dit non, tu repars. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'appelle Amazon, une blondasse au téléphone me dit: je peux vous aider? J'ai plus de PQ, vous livrez. Elle m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve. J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit: Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires. Il m'a dit: elle m'outrante chez toi. Nous sommes en guerre. Ça m'énerve, tous ces gens qui font la queue devant le Franprix. Tout ça pour des panzani. Mais bon, en 5 minutes c'est cuit. Toutes celles qui sont plus épicoles à la quête mosse. Le rouge à lèvres c'est fini, pas le temps, y'a les gosses. Comme toi qui s'inquiète pour une nouvelle ride. Relativiser, c'est quand même moins grave que le Covid. Ça m'énerve. L'apocalypse est pour le main. Apocalypse. L'apocalypse est pour le main. Apocalypse. L'apocalypse est pour le main. Apocalypse. Bientôt la fin du champ humain. Bientôt la fin du champ humain. L'ordinateur est inventé et Péta enterré. Les années 50, c'est... le temps des abidaises. Les coulacs disparaissent, Staline nous fout la paix. Spoutnik est en orbite avec l'étoile Monroe, pendant que Genève fête le Vietnam et le Laos. Les années 60, Kennedy est à terre, Armstrong est sur la lune, les hippies en colère. Cuba fait ses missiles braques et retombe en hiver. Gasmo chante l'amour et Hatché n'est plus en guerre. Les années 70, le punk est en fête, mais Skin est démasqué et on pleure à Liège. Un champ de pétrolier assèche la planète. L'exode est à l'écoute, on fait nos zéros pour les viettes. De la mort, des sangs, des rires, des larmes. Des guerres et des paix, du pétrole et des armes. Jusqu'à c'est au quai d'honneur. Les soirs passaient toujours entre le bien et le mal. C'est l'ère du libéral, la chute du communisme et du navet spatial. Tchernobyl est en feu, c'est la menée d'assaut. Le virus du sida commence à frapper dans tous les rangs. Jusqu'à ce que tout est normal. L'histoire, on sait toujours entre le bien et le mal. De la mort, du sang, des rires, des larmes. Des guerres et des peines. Les années 90, c'est la guerre du Koweït, les guerres en Tchétchénie et en Yougoslavie. Le génocide rwandais, les massacres au Libéria, on clande les brebis, on invente l'extasie. De la mort, des sangs, des rires, des larmes. Des guerres et des paix, du pétrole et des armes. Jusqu'à ce que tout est normal. L'histoire aussi. Écoutez, ça m'énerve d'Helmut Fritz, version 2020. Ce succès planétaire avait fait danser les foules en 2009. Et là, en plein confinement, Helmut nous sort une version actualisée. Sur sa page YouTube de la vidéo, le chanteur dédie cette version au personnel médical. Il rassure également les fans en disant « Cette vidéo a été réalisée en tenant compte des règles du confinement applicables lors du tournage. Scène extérieure filmée en 40 minutes, aucun contact, aucune proximité. » Il y a aussi Lara Fabian qui a sorti une chanson en l'honneur du personnel médical. Mais dans le Lobster, on n'écoutera pas Lara Fabian. On a plutôt écouté à la suite de Helmut deux groupes punk qui ont suivi. C'était les Sales Majestés avec la chanson Apocalypse pour finalement conclure avec Tagada Jones et leur chanson de l'amour et du sang. Bon, avant que j'oublie, je dois vous parler de ce film. Ce film que je viens d'écouter mardi soir et que j'ai adoré. Le nom du film, Scott Pilgrim vs. The World. C'est sur Netflix que j'ai attrapé ça. C'est quoi? C'est une comédie canado-américo-britannico-japonaise qui est sortie en 2010. Il s'agit de l'adaptation de la série de comics Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley, édité chez Oni Press. Bon, je connais pas ces comics, pourtant je vais souvent dans les boutiques de comic book et ça me dit absolument rien. Mais le film que je qualifie de film BD style Mortal Kombat est vraiment trippant à écouter. Scott Pilgrim, un jeune homme de 22 ans, bassiste à Toronto, sort avec Knive, une jeune japonaise lycéenne de 17 ans, au grand dam de ses amis qu'il ne l'aime pas. Et lors d'un de ses rendez-vous, il a la vision d'une jeune femme en roller aux cheveux roses dont il tombe amoureux, ce qui le trouble plus rapidement encore quand il la rencontre en vrai. La sachant livreuse, il passe une commande sur Internet pour la revoir et parvient à la séduire assez pour qu'elle lui donne un premier rendez-vous. Et c'est là que ça se complique, à cause de ses 7 ex maléfiques qu'il devra affronter. J'ai vraiment trippé sur ce film, la musique est vraiment bonne. On prend le temps d'écouter un moment fort du film. Scott est à un concert avec la jeune femme et là, il se rend compte que son ex à lui, c'est elle qui chante, et que le gars à la base, c'est l'ex de la jeune femme. Donc, il capote, car chaque fois qu'il rencontre un ex de la fille, il doit l'affronter de façon épique. On écoute l'extrait avec la chanson Black Sheep. Donc, imaginez-vous Scott et la jeune fille dans le public et sur la scène, leur ex respectif. Friend, I knew you were. Our common goal was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule that you command, you crack the whip, shape shift and trick the past again. Send you my love. Suite au concert, Scott et la fille rencontrent leurs ex dans les loges et évidemment la chicane pointe et ça se termine en base battle entre Scott et l'autre gars qui lui a des pouvoirs de super-héros. Mais Scott, intelligent, pour lui faire perdre ses pouvoirs, lui fait boire une gorgée de lait à son insu et comme le gars est vegan, ça lui fait perdre tous ses pouvoirs. Ce qui est le fun, c'est que par-dessus le film, il y a plein d'écritures comme dans une BD. Quand il joue de la bass, on voit les notes de musique sortir. Quand il y a de l'embrassage, on voit des becs rouges apparaître. Vraiment, Scott Pilgrim vs. The World, si vous ne l'avez pas vu, c'est le temps. J'ai demandé à mon ami Martin de nous faire un choix de chansons pour ce début de saison 3 du Lobster. Martin m'a suggéré un choix que j'avais déjà au menu. Le nouvel album d'Alstom. Martin m'écrivait: l'album que j'ai écouté le plus souvent, c'est le dernier Alstom. Il y a même une version 8-bit de chacune des chansons, ce qui est amusant. Treasure Chest et Zombie Ate My Pirate Ship sont mes préférés. Donc, si on se rappelle, Alstom est un groupe de pirates metal britanniques, ils sont écossais. Initialement connu sous le nom de Battleheart, le groupe change de nom pour Alstom le 8 août 2007. Ils sont qualifiés de pirates metal, les compositions du groupe font référence à l'univers de la piraterie, tant au niveau des sonorités que des paroles et de l'univers visuel. Le 7 janvier 2020, Alstom ont annoncé être rentrés au Krabi Road Studio en Thaïlande pour enregistrer ce 6e album qui s'intitule The Curse of the Crystal Coconut, qui lui va sortir, qui est sorti le 29 mai 2020. Donc, comme le temps n'est pas limité, on écoute dans l'ordre Zombie Ate My Pirate Ship et Treasure Chest, les deux chansons que Martin nous a conseillées. La demande spéciale de Martin. 100 years ago when I was born. I crawled from the womb with a drinking horn. I held it to the sky in my tiny metal hand. I got real drunk before I could stand. Well, ever since that day, I followed the code of stealing all your treasure and living on the road. Now we've come to your city with nothing more to say. Let's drink and party the Alestorm way. We're only here to have fun, get drunk and make loads of money, cause nothing else matters to me. We're only here to drink rum, shoot guns and live for the party. Come with us and soon you will see. We're only here to have fun, get drunk and make loads of money, cause nothing else. Durant la pandémie, au printemps en fait, j'avais semé plein de choses dans ma serre, plein de graines de toutes sortes. Des queues de rats, qui sont des radis grimpants, des cocombrons, qui sont plus beaux que bons. Bref, j'avais semé plein de choses. Et en prévision que j'allais tout semer ça à l'extérieur, j'ai essayé de me débarrasser des rôdeurs sur mon terrain. C'est qui les rôdeurs? Eh bien, ce sont les lièvres qui n'arrêtent pas de se reproduire sur l'île Perrot. Et que je vois partout et qui, évidemment, habitent aussi chez moi. J'ai un grand terrain avec plein de verdure pour se cacher, donc c'est l'endroit idéal pour eux. Donc, en prévision du plantage de mes légumes que je savais vouloir transférer de ma serre au jardin, je me suis dit que je devais me débarrasser des lièvres, qui allaient tout manger selon ce que je pensais. Bon, j'ai le même problème dans la serre avec les mulots et rats des champs. Cette année, je suis rendu à 19 d'attrapés et d'enterrés. J'ai une grosse trappe pour les attraper. Bref, les lièvres, c'est différent. Je voulais pas les tuer. J'avais compté 2 parents et 4 ou 5 enfants, donc je me suis acheté des cages pour les attraper. Et ça a été quand même assez vite. Durant la première semaine, j'ai attrapé 3 bébés assez vite. Et ensuite, les parents ont suivi. Et bien sûr, je leur offrais le service de navette pour aller les porter en forêt, loin de la maison. Bref, ça allait bien. Il me restait juste 2 bébés lièvres à attraper. Et un matin, surprise, dans ma cage, le bébé lièvre est pas brun et blanc, mais noir et blanc. Bon, vous allez me dire, noir plutôt que brun, ça change pas grand-chose. Mais oui, dans mon histoire, oh que oui, ça change quelque chose. Car un matin, c'est pas un lièvre que j'ai attrapé, mais une belle grosse moufette. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Fred, t'es dans ma... Car moi, c'est des cages à lièvres que j'ai achetées. C'est fait en broche et plein de trous. Une cage pour attraper les moufettes, c'est en plastique et complètement fermée. Mais moi, je fais quoi? Bon, la moufette est prise dans ma cage et m'a aperçu sur mon patio. Elle attend de voir ce que je lui veux. Car durant la nuit, elle a essayé de sortir et n'a pas réussi. Elle a essayé de creuser au travers de la cage et a arraché tout le gazon qui se trouvait sous la cage. Bon, les moufettes, j'en ai déjà attrapé une quand j'étais jeune et ça avait mal tourné. Donc, j'essaie de mieux m'y prendre cette fois. Donc, je vais dans mon cabanon et je ramasse les gros couvercles en plastique qui servent à fermer les bacs de rangement. Et je dépose rapidement un couvercle sur ma cage et j'en mets un de chaque côté. Je suis ainsi protégé. Il me reste juste à ouvrir la porte de la cage et la moufette va pouvoir partir et c'est réglé. J'ouvre donc la porte avec un bâton pour maintenir la porte ouverte et c'est là que l'incident survient. Bon, pour garder la porte ouverte, j'ai planté le bâton dans le gazon. Bon, ça marche, la porte reste ouverte, mais le couvercle en plastique que j'avais mis sur le dessus de la cage y est tombé. J'ai trop bougé la cage en maintenant la porte. Et c'est à ce moment que la moufette a un genre de eyes contact avec moi avant de se tourner et de me pisser dessus, direct dans le front. Sur le coup, j'ai ri. Je suis allé m'asseoir dans mon cabanon et je riais. Je me disais qu'il m'arrive toujours des belles histoires et des belles aventures. Bon, pendant que je vois que la moufette s'éloigne et me dit à la prochaine, je réalise que je sens pas très bon, même que je sens très mauvais. Comme je me suis jamais fait autant pisser dessus par une moufette, je retire mon linge. En fait, je le mets direct dans la poubelle, toute la linge, et je m'arrose d'eau avec la hose. Mais bon, ça sert à rien. Je décide donc de rentrer dans la maison et d'aller directement dans la douche et de me savonner. Bon, ça donne rien non plus. Bon, le jus de tomate, vous allez me dire non. Je sais que ça marche pas. Finalement, je me dis que ça va plutôt mal. Et j'ai une bonne idée. J'appelle le pharmacien qui me dit qu'il n'y a qu'un truc qui marche. C'est de se nettoyer avec du peroxyde d'oxygène. Ça, c'est le liquide qu'on se mettait dans le temps sur les bobos. Bon, je lui dis donc que je vais passer, mais lui, il me dit qu'il ne veut pas me voir en magasin. Il me dit de passer au service à l'auto. C'est donc assis sur une serviette qui finira aussi à la poubelle que je suis passé chercher 2 bouteilles de peroxyde d'oxygène à la pharmacie que j'ai mélangé avec un peu de bicarbonate de soude et de savon. S'il y en a qui ont besoin de la recette exacte, c'est la suivante. Il faut 1 litre de peroxyde d'hydrogène 3% avec 1/4 de tasse de bicarbonate de soude et 2 cuillères à soupe de savon. Et ça marche. Oui, je vous le dis, ça marche. L'odeur m'a quitté tout de suite. Ben, après l'équivalent de 2 ou 3 douches où je ne lésinais pas sur le mélange miroir. Et suite à cette aventure, eh bien, j'ai cessé d'attraper les lièvres. Bon, on est rendu en août et je les vois quasiment tous les jours brouter du foin sur mon terrain. En plus, ils ont grossi, ils sont rendus en pleine forme et ils semblent bien apprécier le terrain. Heureusement, ils n'ont pas mangé le jardinage que j'avais transplanté dehors. Et la moufette, vous me direz, eh bien, on se parle encore, elle habite sous ma remise et fait des trous sur mon terrain. Mais nos relations sont quand même assez tendues. L'autre jour, en allant à ma serre en fond de terrain, en revenant de la serre, bien, elle était entre moi et la maison. J'ai donc décidé de la laisser passer tranquillement. Pas question de lui faire peur ou de l'énerver. Quand elle a été tannée et rendue plus loin, moi, j'ai couru me cacher dans la maison. D'écouter quoi? C'était notre blog japonais. En premier lieu, une chanson du groupe Negoto. Qui sont-ils? Qui sont-elles, devrais-je dire? C'est un groupe rock électronique japonais. C'est un groupe qui s'est formé en 2007 quand les quatre filles étaient à l'école. En 2008, elles ont gagné une première place dans un festival, ce qui les a menées à poursuivre et former un vrai groupe qui a lancé en 2010 une chanson qui a été numéro 3 au Billboard japonais. Mais bon, j'ai pas aimé cette chanson. Nous, on a donc entendu la chanson Merci Roux avec ses petits bruits de synthé qui m'ont accroché. Et d'après ce que j'ai vu, elles avaient la particularité de boire des berlingots de lait au chocolat durant leur concert. Donc Negoto, un groupe qui s'est séparé en 2019. Ensuite, on a entendu un groupe qui se nomme Wakaki Band, un autre groupe japonais qui mélange musique rock et instruments traditionnels japonais. On a entendu Senbon Zakura, dont le clip a été vu plus de 127 millions de fois sur YouTube, et une chanson qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui se fait pisser d'en face par une moufette. Voilà, on est rendu à parler de ma nouvelle passion. Le kayak. Depuis deux semaines déjà, je fais du kayak tous les jours. En 15 jours, je pense que je suis sorti 14 fois. Comme quoi, j'adore ça. Ça faisait longtemps que je me disais que d'avoir un kayak serait une bonne idée. Comme j'habite sur une île, je suis entouré d'eau, je me disais que ça serait sûrement une bonne idée de profiter du coin. Et là, avec la pandémie, où on fait pas grand-chose hors de la maison, ou que c'est plutôt limité, je me suis dit c'est le temps. Mais tout le monde s'est dit la même chose. Plus de kayak en vente dans les magasins, ou ceux qui en avaient, il n'y avait plus de choix. Il en restait un ou deux, mais des modèles qui ne m'intéressaient pas. Mais je me suis souvenu que mon frère en avait deux. Je lui ai donc écrit pour lui demander ce qu'il faisait avec, et il m'a dit qu'il ne les utilisait pas en ce moment. Donc, j'ai fait un aller-retour au Québec-Montréal pour aller le voir et emprunter un premier kayak. Il m'a tout prêté l'équipement. C'est un kayak de rivière de 9,5 pieds. Il rentre au complet dans mon VUS, ce qui est très pratique car je le laisse là en tout temps depuis deux semaines et tous les soirs, je me rends à 5 minutes de la maison pour en faire. Bon, la semaine prochaine, je dois redescendre de le voir et il va me prêter le deuxième. Il m'a aussi prêté les racks pour les mettre sur le toit, donc je prévois en faire avec mes garçons à tour de rôle bientôt. Moi, de mon côté, je vais dans le lac Saint-Louis et fleuve Saint-Laurent. C'est ce qui borde un côté de l'île Perrault. Bon, j'embarque pas vraiment dans le fleuve à proprement parler. Je vois les gros bateaux passer, c'est l'eau du fleuve, mais je reste près du bord. C'est pas nécessaire d'aller me mettre devant les bateaux. Mais ce n'en est pas moins plaisant de faire du kayak sur le côté. Comme l'étendue d'eau est vaste, qu'il y a du courant dans le fleuve, j'ai le droit à des grosses vagues, si le vent le moindrement. Et c'est ce que j'aime le plus. Malgré que c'est un kayak de rivière, il est vraiment stable, car au départ, je voulais un kayak de mer justement pour pogner les vagues, mais bon, comme on me le prête, je peux pas chialer. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est plus le fun avec un petit kayak. Je m'amuse dans des vagues de 1 à 2 pieds de haut et c'est le bonheur. Mais, un après-midi, Alors que je regardais la météo et que tout était rouge pour mon île, c'était écrit « Alerte météo », ils annonçaient un orage violent vers l'heure du souper. Donc, après le travail, je me suis rendu immédiatement sur le plan d'eau et j'ai attendu. Pendant une heure, je me suis promené dans les plantes aquatiques, les joncs et autres. J'avais amené une pelle et quand je trouvais de jolies fleurs, je sautais à l'eau et ça me permet d'en ramener à ma mère pour son bassin d'eau au chalet. À date, je lui ai trouvé de grosses plantédéries avec des fleurs mauves, des nénuphars blancs, des renoncules aquatiques aux fleurs blanches, bref, plein de belles choses. Donc ce soir-là, j'ai ramassé des plantes pendant environ une heure. Et quand j'ai vu que les gros nuages arrivaient, je suis retourné rapidement à ma voiture, j'ai débarqué les plantes et suis retourné attendre sur le plan d'eau. Et j'ai pas été déçu. En moins de 5 minutes, les vents violents sont arrivés. On ne voyait plus rien sur l'eau, sauf les moutons blancs que faisaient les grosses vagues. La tempête balayait le plan d'eau. Heureusement, je suis quand même un tant soit peu intelligent. Moi, j'attendais la tempête dans une baie où je pouvais m'abriter. Donc, pendant toute la tempête qui a duré 2 heures, je partais de mon endroit abrité. Je m'engageais dans les grosses vagues, qui étaient les plus grosses que j'avais vues à date. Et donc, je m'amusais à les monter et à les descendre, à surfer dedans, à me faire pousser dans un sens et l'autre. Je devais pagayer pas mal fort pour survivre, c'était merveilleux, même si je restais toujours un peu abrité. Car m'engager plus avant dans le fleuve aurait été de la folie, les vagues étaient trop fortes et le vent trop fort. J'ai bien sûr essayé quelques fois d'affronter ces grosses vagues plus fortes, mais j'arrivais quasiment pas à avancer. Le vent me repoussait et les vagues me faisaient toujours reculer. Et évidemment, mon kayak se remplissait d'eau dans ces moments. J'avais beau prendre les vagues de front, lorsque je descendais la vague, souvent la suivante me ramassait et me passait dessus. Pour vous dire, j'ai vidé le kayak 2 fois d'eau durant la tempête. Mais ça a été une de mes plus belles sorties. En revenant le soir à la maison, après j'étais épuisé, car affronter des vagues pendant 2 heures sans arrêt, c'est quand même du sport. Je me suis couché 2 heures plus tôt ce soir-là. Donc voilà, c'est ça ma nouvelle passion, le kayak. J'en fais entre 1 heure et 3 heures chaque soir. Je vais pas mal toujours aux mêmes places pour l'instant. Je suis quelqu'un qui s'intéresse quand même à plusieurs choses. Et en ce moment, je découvre la flore aquatique. Quand il n'y a pas de vagues, j'observe les plantes tranquillement. Certaines ont des graines d'accrocher sous l'eau, d'autres flottent tout simplement à la surface. Moi, ça m'amuse et quand je les ramène à la maison, je les identifie pour apprendre de quoi. Car oui, j'hésite pas à sauter à l'eau, c'est quand même assez propre, l'eau est claire. C'est sûr que ça reste l'eau du fleuve Saint-Laurent, donc je n'y mettrai pas ma tête, mais je m'immerge environ jusqu'à la taille et j'ai pas encore eu de bobos sur le corps. J'ai aussi trouvé des moules zébrées, cette espèce envahissante qui est maintenant dans le fleuve. Elle était sur un tronc d'arbre et s'était montée en structure une sur l'autre. C'était beau à voir, mais d'après ce que j'ai lu, c'est envahissant et ce genre de moule zébré finit par bloquer les conduits d'eau. J'ai aussi trouvé des arbres dont les racines sont sous l'eau. Et étrangement, les racines sous l'eau sont toutes rouges, comme du corail. C'est rouge vif, c'est magnifique, mais je peux pas vous expliquer pourquoi celles en surface sont brunes et celles sous l'eau sont rouges. Je sais pas. Il y a aussi les oiseaux que j'observe. Où je vais, il y a un grand héron. Je le vois tous les soirs. Il pêche toujours dans la même baie où il a sûrement son nid. Aussi, il y a les 11 cormorants. Eux sont sur une roche à 500 mètres du bord. Il y a un haut fond et une roche au milieu de nulle part. Et les 11 cormorants l'utilisent comme base de pêche. Ils se font sécher dessus après avoir pêché. Sinon, ils semblent habiter dans la même baie que le grand héron. L'autre jour, je les ai retrouvés perchés, les 11, sur un grand arbre dans ce coin-là. Les cormorants, eux, c'est comme des gros canards bruns. C'est le fun à voir. Un soir, j'ai aussi vu un faucon pèlerin. Il a plongé à l'eau et traînait un gros poisson sous lui par la suite. Donc, en plus de s'attaquer aux pauvres oiseaux dans ma mangeoire à la maison, le faucon pèlerin mange les poissons aussi. Il y a aussi les nombreuses familles de canards. J'en ai trouvé 2 familles au moins au travers des joncs sur le bord de l'île. Je les aperçois souvent. Une des familles a 2 parents avec 7 bébés qui sont quand même rendus assez gros à cette période de l'année. Donc l'avantage du kayak, c'est que je fais pas de bruit, j'arrive lentement et les dérange pas quand je les ai trouvés. Je les regarde en restant à distance. Si je veux pouvoir les observer tous les soirs, je me dis que c'est mieux de pas les déranger. Voilà, c'est ma nouvelle passion de l'été, le kayak. J'ai encore beaucoup de chansons en banque. On écoute un petit bloc plus métallique et au retour, la suite, on parlera encore une fois de facture Vidéotron que je suis tanné d'appeler à cause de leurs erreurs. Again, once again, die again. On vient d'écouter dans l'ordre Sabaton avec The Attack of the Dead Men, ensuite Unleash the Archer avec la chanson Soulbound, et finalement le groupe Darkmoor et leur chanson Nevermore. Bon, je voulais vous parler des Deatron et de leur facture. Comme vous le savez, il faut les appeler de temps en temps pour leur dire que leur facture est trop élevée et habituellement, on s'en sort avec des rabais. Moi, je me suis rendu jusqu'à leur dire que je me désabonnais et switchais avec Bell. Bref, des histoires plus ou moins inventées qui se terminent en rabais sur ma facture. Mais dernièrement, j'ai retiré l'abonnement au câble. J'écoute plus à la télé. Quand j'ai le goût de me divertir, Netflix est suffisant pour mes besoins. Donc, je me suis désabonné du câble pendant la pandémie, le 31 mai pour être précis. Et en juillet, payant toujours pour les services du câble, j'ai dû rappeler Vidéotron pour leur dire que j'étais tanné de payer pour un service auquel je suis plus abonné, car je m'en doutais au moment de me désabonner qu'il se mélangerait dans la facture. Donc, après discussion avec la personne, ils me demandent si j'ai encore leur décodeur. Et j'ai dit que oui, mais qu'on m'a dit que j'étais pas obligé d'aller le rapporter vu qu'on était en pleine pandémie. Et c'est là qu'il me dit que tant que je garde le décodeur, le désabonnement ne sera pas effectif. Et c'est là que ça accroche. Bon, effectivement, ça fait du sens, car je me demandais pourquoi, même désabonné, je pouvais toujours écouter le câble. Bon. Je lui dis donc que c'est correct, je vais aller le porter ce décodeur, ce que je fais immédiatement, et il me dit qu'automatiquement, ma facture va se mettre à jour. Haha, ben oui. Ça, c'est en juillet. Le décodeur est rapporté, et en août, je reçois ma facture. Encore des frais pour leur service de câble. Bon. Je m'en doutais que ça serait pas réglé. La facturation, que ça soit pour Vidéotron ou Bell, c'est l'enfer. C'est toujours mélangé. Donc, j'ai dû rappeler encore pour leur dire que ça fait 3 mois que je suis plus abonné au câble et que je paye encore. Que si ça continue, je vais faire une plainte au CRTC. Bon, quand on menace de faire des plaintes, habituellement ça se règle assez vite. Finalement, la personne me dit « Laissez-moi démêler ça et je vous rappelle. » Donc, une heure plus tard, téléphone de Vidéotron qui me dit « Bon, on va vous créditer tous les mois d'abonnement du 31 mai à maintenant. » Donc, maintenant, c'est Vidéotron qui me doit de l'argent. Donc, je n'ai pas à payer ma prochaine facture. Donc, au moins, ça, c'est réglé. Ben, j'espère en tout cas. Je vais quand même surveiller mon compte, voir s'ils ne se payent pas eux-mêmes en août. Mais c'est quand même tannant. Il faut toujours les surveiller. Quand je me suis désabonné du câble le 31 mai, il m'avait aussi promis un rabais de 100$. Car durant la pandémie, pour jouer à des jeux en ligne avec mon frère, j'avais utilisé mon cellulaire. Mais au lieu de faire un appel FaceTime qui passe par Internet, j'avais fait un appel normal, longue distance, sans y penser. Et pouf, j'avais reçu une facture salée de cellulaire, 130$ d'interurbain pour un seul appel. Et donc, je les avais rappelés pour leur demander des explications sur cette facture incroyable. Et finalement, quand ils m'ont donné le détail du numéro de téléphone appelé et qui avait généré tous ces frais, j'ai dit que je ne le connaissais pas. Et on m'a crédité le montant. J'ai dit que c'était sûrement mes enfants qui avaient fait un mauvais numéro et laissé le téléphone ouvert. Bref, une histoire impossible. Mais pour tout le temps qu'ils me font passer en ligne à attendre pour régler leurs erreurs, j'ai pas honte de me faire créditer cette erreur. Voilà pour Vidéotron qui me tombe sur les nerfs avec leurs factures trop élevées. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes avec eux ou Bell, à les appeler pour leur dire que vous trouvez que votre facture est trop élevée et que ça n'a pas de bon sens, que vous voulez avoir un rabais et que sinon vous allez couper les services ou passer à la concurrence. N'hésitez surtout pas à leur mentionner les rabais en cours de leurs concurrents, que vous pouvez bien sûr voir en ligne. Ça fonctionne toujours. Moi, je téléphone aux 6 mois ou à chaque fois que je reçois une lettre disant « Nous allons augmenter les frais de service de 1 ou 2 $ ». C'est immanquable, je leur téléphone et finis par m'en sortir avec un rabais qui est bon pour un autre 6 mois ou un an. Mais maintenant, avec une facture sous les 100 $ par mois pour mon cellulaire, téléphone normal, ligne à la maison et Internet 100 Mbps illimité, je pense que j'ai atteint la limite de rabais pouvant s'appliquer. Donc, c'est bon pour Vidéotron. Maintenant, on s'écoute une petite pièce Synthwave. C'est du Iron Maiden, la pièce de Trooper, mais accompagnée au synthétiseur. C'est quand même bon, elle mérite qu'on l'écoute. Ça sera suivi de la chanson Monster d'un chanteur qui se fait appeler Ruel, une chanson faite pour l'émission, la série Titan pour DC Universe. Donc, on écoute ça. passion gets me in his sights. He pulls the trigger and I feel the blow. I bust the bounce, take my horse below. And as I lay there gazing at the sky, my body's numb and my throat is dry. And as I lay forgotten and alone, without a tear I drop a panting groan. Once you cross the line, you'll be wishing you would listen when you meet your demise. Your heart hits like a drum, the hunt has just begun. We're kings of the kill and we're out for blood. We'll take them one by one. We're kings of the kill and we're out for blood. We never shoot to stun. We're kings of the kill and we're out for blood. We'll take them one by one. We're kings of the kill and we're out for blood. Monsters stuck in your head. Pour ceux qui ont le goût de rire en écoutant une série drôle, la saison 3 du Stagiaire avec Greg Guillotin est en train d'apparaître sur YouTube. Les deux premières saisons sont déjà là et on a droit à un nouvel épisode par semaine de la saison 3. En gros, une équipe de télé débarque à quelque part avec Greg, ils attrapent une personne en lui faisant croire que Greg est un stagiaire envoyé par Pôle emploi et c'est comique. Je pense que j'en ai déjà parlé. Des fois, je pleure de rire tellement c'est drôle. Souvent, la production doit aussi protéger Greg car certaines des personnes attrapées se fâchent après lui à cause des niaiseries qu'il fait durant son stage. Donc c'est très drôle à écouter. Sur YouTube, cherchez pour Le Stagiaire. « Sinon, un autre sujet que j'avais mis de côté, c'est la ville qui est en feu depuis 50 ans. Bon, vous allez me demander c'est quoi cette histoire-là? Eh bien, la voici. Centralia, c'est une ville fantôme du comté de Columbia dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis, qui est aujourd'hui pratiquement abandonnée à la suite d'un incendie accidentel dans la mine de charbon souterraine qui s'étend sous la ville et qui brûle depuis 1962 et ne s'éteint pas. En gros, c'est une ville où il y a eu de l'exploitation de mines de charbon depuis 1856. Et apparemment, en 1962, une des théories, c'est que 5 pompiers occupés à nettoyer un dépotoir auraient accidentellement mis le feu à la mine de charbon souterraine. C'est quand même le fun quand c'est les pompiers qui mettent le feu et scrapent une ville au complet. Donc, cette ville a vu sa population passer de 1000 habitants en 81, année où fut donné l'ordre d'évacuer, à 12 en 2005, puis à seulement 9 personnes en 2007, faisant de cette ville la municipalité la moins peuplée de Pennsylvanie. En date d'aujourd'hui, ce feu de charbon s'étend sur 1,6 km² sous la ville et avance de 15 mètres par année. Et selon différents calculs, à ce rythme, le sous-sol de Centralia devrait brûler pendant encore près de 250 ans. Dans un autre article que j'ai lu, on donne plus de détails. Ça dit qu'en 1979, les habitants prennent conscience de l'ampleur du problème quand un propriétaire de station d'essence, le maire John Coddington, insère une jauge dans l'un de ses réservoirs souterrains pour vérifier le niveau de carburant. Quand il retire la jauge, elle semble chaude. Donc, le maire il abaisse un thermomètre dans le réservoir via une chaîne et est choqué de découvrir que la température de l'essence dans le réservoir est de 77 degrés Celsius, ce qui est plutôt dangereux quand on parle de chaleur et d'essence. Donc, l'attention à l'échelle de l'État pour l'incendie commence à augmenter, culminant en 1981 quand un jeune résident de 12 ans, Todd Domboski, tombe dans une dolienne. Bon, une dolienne, c'est quoi? C'est un genre de trou rond qui se forme dans le sol quand il y a des cavités dans le sol. Donc, le garçon il jouait sur le terrain derrière une arrière-cour et il tombe dans un trou de 4 pieds de large par 150 pieds de profond qui s'ouvre sous ses pieds. Alors, son cousin, âgé de 14 ans, Eric Wolfgang, attrape Domboski et le tire hors du trou, ce qui lui sauve la vie. Le panache de vapeur chaude qui s'échappe du trou à ce moment est testé et contient un taux mortel de monoxyde de carbone. Bien qu'il y ait des preuves physiques et visibles de l'incendie, les résidents de Centralia sont fortement divisés sur la question de savoir si le feu pose une menace directe pour la ville. C'est en 1983 que le Congrès américain décide d'allouer plus de 42 millions de dollars pour la relocalisation des habitants. Donc, la grande majorité des résidents a accepté les offres de rachat du gouvernement. Il y a plus de 1000 personnes qui sont déplacées en dehors de la ville et 500 constructions sont démolies immédiatement. Mais mauvaise nouvelle, l'incendie de la mine de Centralia s'étend sous le village de Burnsville qui est situé non loin de Centralia et doit aussi donc être abandonné. Selon ce que je lis, quelques maisons sont encore debout à Centralia. La plupart des bâtiments abandonnés, comme je le disais, ont été démolis par les autorités. Et au premier coup d'œil, maintenant, la zone de la ville ressemble maintenant à un champ comportant de nombreuses rues pavées. Certaines zones sont remplies d'arbres. Ils disent que l'église du bourg Sainte-Marie organise toujours des services le dimanche. Elle n'a pas encore été directement touchée par le feu. Les quatre cimetières de la ville, dont un au sommet de la colline de laquelle s'élève de la fumée, sont quand même en bon état. Donc, je m'en fais pas pour l'église ou les cimetières. Dieu veille sûrement là-dessus. Donc voilà, c'était cet article que j'avais mis de côté sur un feu qui dure depuis 50 ans. Maintenant, c'est le temps de monter le son. C'est le temps du bloc avec de la musique un peu plus entraînante. Appelons-le le bloc disco. Bonne écoute! Give me just a little smile. We got a message for you. downtown and I can't stop my feet. The summer craze is so magic to me. I feel like dance is just like a remedy. We feel so fine when we dance in the club. We love our goods, let's come alive tonight. Can't stop the feeling. We got a rhythm, baby. Let's keep on moving. Italo disco. La dolce vita is a good way to be. When life is sweet and you're moving close to me. Be of the world, baby, don't be so square. Let's keep on dancing, cause love is in the air. Can't stop the feeling. We've got a rhythm, baby. Let's keep on moving. Disco. le bloc disco s'est transformé en bloc nostalgique avec un peu n'importe quoi qui sonnait bien à mon goût. Maintenant, un autre sujet. Pour ceux qui aiment Arnaud Soli, l'humoriste, je sais pas si vous avez écouté ses lives durant les mois d'avril, mai, juin, bref, pendant longtemps. Il faisait des lives le soir et c'était vraiment bon. Si vous allez dans sa page YouTube, les meilleurs sont ceux qui se nomment Tapis Rouge, où pendant une heure, il incarne Jean-Michel et raconte des potins sur les vedettes québécoises. Sauf que les vedettes se connectent elles-mêmes et parlent en vidéo avec lui et racontent des faux potins. C'est mourant. De mémoire, on a vu Véronique Cloutier, Julie Snyder, Herbie Moreau, tous les humoristes que vous pouvez nommer, des gens d'occupation d'urbe, des tonnes de vedettes. Tous appelaient pour raconter des faux potins sur d'autres vedettes, qui finissait par rappeler dans l'émission pour se justifier ou non. C'était vraiment comique. C'est les lives Tapis Rouge. Il y en a pour 5 heures. On en écoute un extrait où il parle avec Jessica d'Occupation d'eau. Elle arrive avec son scoop. Moi, j'ai écrasé de rire. Faut s'imaginer que ça faisait déjà 45 minutes qu'on entendait des scoops comiques de vedettes qui appelaient. Et là, ce qui va devenir Jessica arrive à ce moment. Puis quand ça arrive, Arnaud Soli se lève et part rire plus loin. C'est tordant et après, les personnalités qui appellent ne font que parler de ça. On écoute un extrait de Tapis Rouge, épisode 1 d'Arnaud Soli. Hey, je pensais pas venir au live, moi j'allais me coucher. Ben oui, girl, t'es dans ton lit, est-ce qu'on peut voir ton appart? Non, là c'est le bordel dans ma chambre, là, genre. Girl, un bordel de stars, c'est un bordel pareil. Hey, c'est un vrai bordel, là. Oh my god, c'est beau chez vous, girl. Solide. OK, donc sexuellement, les deux, vous étiez hard. Ouais. OK, j'ai un scoop. Hey, je sais pas si je peux dire ça, il y a quand même 7770 personnes qui regardent. T'inquiète pas, la plupart des gens dorment déjà. Hey, non, c'est... OK, Renaud... Ah hey, non, je peux pas dire ça, c'est too much. Dis-le. Renaud a été la personne qui m'a dévergé du cul. J'ai déjà mon titre pour demain. Jessie Canal. C'est ça. Fait que moi, c'était mon scoop de la soirée. J'en donne pas plus. On peut-tu continuer? L'anal de Jessica. J'ai l'impression qu'on n'est plus dans un sketch et que c'est le moment du live où tout dérape. Girl. J'ai vraiment l'impression que pendant qu'elle nous dit « il m'a dévergé du cul », elle a une petite sensation qui fait « je suis vraiment pas bien, Arnaud ». Je sais que t'es dans un personnage, mais c'est plus un personnage. Mais girl. Moi, je t'écoute encore. Girl. Man, tu dois capoter parce que c'est... En fait, ni Hollywood PQ, ni personne n'aurait eu ce scoop-là. Jessica dans le cul. Jessica! Donc, ça a été vraiment un moment comique à vivre, ce live-là. Sinon, il y a aussi eu les lives Brian d'Info Santé. Dans ce cas-là, Arnaud Soli joue le rôle d'une personne d'Info Santé et les gens se connectent live en vidéo, ils lui racontent leur bobo et ils leur trouvent un moyen de se guérir. Mais ça fait jamais de sens, c'est des conseils bidons. Dans cet extrait, c'est le spécial dating. Les gars aux filles l'appellent pour le croiser. Là, c'est l'humoriste Christine Morancy qui l'appelle. Ah! C'est Brian! Oh! Girl! Babe! Girl. Salut, Lady! Tu m'en reconnais-tu? Ben, ça me dit le cas, là, ouais. Tiens-tu, moi, j'ai fait un tatou pour toi? C'est ça, t'es tatoueuse? Ouais! Yo, comment tu vas? C'est quoi ton nom, donc? Karel, ouais. Mais Chris, Karel, t'avais été dans mon premier clip. Ouais, vraiment. T'avais venu à l'autodrome, à Saint-Denis. Ouais, mais moi, depuis ce clip-là, là, je strippe sur toi, hein? Ben, je sais, mais Krim, t'es le fin. Mais moi, je pensais... Mais là, t'étais parti à Haïti, là, avec ton... T'es plus avec ton... Ouais, c'est ça. T'es plus avec ton... Ouais, c'est ça, mais finalement, je l'ai laissé, parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai déjà deux femmes. C'est une niaise? Non, c'est une grosse affaire. Hein? Mais quand j'étais en Haïti, je me suis fait tatouer quelque chose pour toi. OK. Hey, check. check ça, bébé, ça c'est tout pour toi. Je me suis dit, quand je reviens, je monte, on se marie. Regarde, je me suis tatoué ton nom. Yeah. Avec une grosse dick dans un barbelé. Tu sais, là, des fois, là, je m'endors, là, de même. Ouais. Girl, yo, lady, man, t'as-tu fait ça pour moi? Tout pour toi! Asti, ça, c'est-tu à cause de ma tune que j'avais, mon premier single, qui s'appelait Dick Gel? Ouais, exact, Dick Gel, c'est ça! La graine est en prison! Ma graine est en prison! J'aimerais ça que tu sois ma prison! Ouais, c'est bon parce que prison rime avec prison! Hey, ça fait longtemps, mais je suis content de te voir. Puis là, t'es revenu au Québec, là? Ouais, là, je suis revenu pour de bon. Là, moi, quand je suis revenu, je me suis dit, si Stoke Brian, je le croise, je mange le cul! Donc, si vous aimez Arnaud Soli, allez voir ses lives. En plus de Tapis Rouge et de Brian d'Infosanté, il y a Antonio, le caricaturiste vulgaire, où son personnage dessine et insulte les gens qui l'appellent. Il y a Tristan Lajoie, le décorateur d'intérieur. Il y a des épisodes de complot et conspiration. Il y a Orzog, l'homme de l'an 3000, Cristal la voyante, Conseil techno avec Jordan et Confessionnal avec le Père Vert. Je ne sais pas si j'en oublie, mais il a fait des lives avec des personnages de fin mars à juin, je crois. C'est comme un spectacle à chaque fois. Ça m'a fait apprécier Arnaud, qui est un excellent improvisateur. Et en plus, c'était le début de la pandémie. Ça changeait vraiment les idées de l'écouter. Voilà. Maintenant, encore un peu de musique. Et je vous reviens bientôt pour le mot de la fin. Ce soir je rentre seul, comme hier, avant-hier. L'impression que le monde me regarde de travers. Il fait si froid dehors, soleil, tu es où? Ainsi seulement je pouvais lui rendre les coups. Lui rendre les coups. Je me rappelle des conseils que donnait mon père. Regarde à gauche et à droite juste avant que tu traverses. Oui mais papa, tu sais, je regarde partout même en l'air. J'avais pas prévu le coup, mes ennemis sont derrière. Mes ennemis sont derrière. Mes ennemis sont derrière. Malheur à moi, je suis né ici. J'ai voulu me faire une raison, on m'a dit c'est ainsi. Malheur à moi, j'ai vu ses cornes dans la nuit. Papa m'a dit ne dis rien, car ici c'est ainsi. Car ici c'est ainsi. La paix ne dure que le temps qu'ils rechargent leurs armes. Le changement n'est qu'un projet, je l'ai vu sur la table. Mieux vaut être téméraire pour espérer une trêve. L'on ne dit plus un mot, je dessine mes rêves. Je dessine. Je suis né ici, j'ai voulu me faire une raison, on m'a dit c'est ainsi. Malheur à moi, j'ai vu ses cornes dans la nuit. Papa m'a dit ne dis rien, car ici c'est ainsi. Car ici c'est ainsi. Car ici c'est ainsi. Si ça se trouve dans 10 ans je suis grand-père, et l'égalité n'est qu'une chimère. Qui est l'inconnu dans la civière? Et toi qui prétends avoir souffert? Les montagnes m'ont parlé de la terre, puis la terre m'a parlé de la mer. Et la mer vient de dire aux forêts qu'on lui fait penser à nos ancêtres. Malheur à moi, je suis né ici. J'ai voulu me faire une raison, on m'a dit c'est ainsi. Papa m'a dit ne dis rien, car ici c'est ainsi. Malheur à moi, je suis né ici. J'ai voulu me faire une raison, on m'a dit c'est ainsi. Malheur à moi, j'ai vu ses cornes dans la nuit. Papa m'a dit ne dis rien, car ici c'est ainsi. Car ici c'est ainsi. Car ici c'est ainsi. Et oui, déjà le mot de la fin. J'espère que vous avez eu du plaisir avec moi dans ce Lobster 73.0 qui lance notre saison 3. Je crois pas qu'il y aura un Lobster la semaine prochaine, car je pars au Saguenay, je m'en vais au chalet, car ce sont mes 5e et 6e semaines de vacances d'été qui débutent. Donc, au retour, je nous sors un autre épisode du Lobster. Donc, ça devrait aller dans 2 semaines. Et à quoi devez-vous vous attendre de la saison 3? À rien, je crois, car je vais probablement choper le virus et en mourir ou être emporté en kayak par une tempête sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, vous aurez quand même 73 épisodes déjà enregistrés que vous pourrez réécouter. Voilà! Sur ce, on se laisse sur un épisode de Kaamelott, série que j'aime toujours autant. Je suis en train de télécharger saison 1, 2, 3 en audio pour les réécouter en descendant au Saguenay. Sur ce, bonne semaine! Je vous en conjure, sire, n'entrez pas dans cette pièce. Bah, c'est la salle du trône, il ferait beau voir que je puisse pas y rentrer. Mais Attila vous y attend, sire, Attila, le fléau de Dieu. Ah, c'est sûr que c'est pas Jôle Rigolo, hein. Jôle Rigolo? Mais on dit que là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Il y a pas d'herbe dans la salle du trône. Allez. Je vais tout casser ici, moi, Kaamelott, Kaamelott. Il va arrêter un tas de cailloux comme ça. Je veux l'or, tout l'or, si l'or c'est la guerre. Je vais chercher l'or, sire. Quoi? Tout l'or de Kaamelott? Non mais vous vous foutez de moi, non? Mais quand Attila demande de l'or, on lui donne. C'est pas le moment de jouer l'épingre. Attendez, vous vous rendez compte de la somme que ça représente? Mais peu importe, j'ai pas envie de finir empalé au sommet d'une colline. Non mais attendez, vous faites semblant de négocier, tranquille. Pendant ce temps, moi je fais celui qui va pisser par là-bas, puis quand j'arrive à sa hauteur, tac, je sors ma dague et je l'ouvre en deux par le bas. Vous serez écorché vif avant d'avoir eu le temps de lever la main. balançons-lui les caisses d'or et fichons le camp d'ici avant qu'il foute le feu. Ah non. Personne ne s'en va. Alors ? Alors désolé, on peut pas payer. C'est pas tellement la peine de vous énerver, hein. Nous, c'est pas qu'on veut pas se soumettre, mais enfin, si on vous donne tout notre or maintenant, ben nous, derrière, il nous reste plus qu'à fermer boutique. Hein. Non, et puis ça va bien, hein. On s'est battu pour le gagner, on le garde. Mais qu'est-ce que vous parlez d'or? Vous voyez pas qu'on est à deux doigts de se faire pulvériser? Je te mettrai à genoux, acteur de printemps! À genoux, pas à genoux, c'est une chose, enfin, en attendant, je vous donne pas tout mon or. Pourquoi pas? Parce que c'est le nôtre! Déjà, oui, et puis là, vous vous rendez pas compte, on a un fonctionnement, nous, ici. Enfin, sur le site, là, entre le château et les fermes, il doit y avoir au moins 150 larbins. Ouais, vous pouvez pas comprendre, vous passez votre vie à cheval, un feu de bois, un lapin de garenne, et puis ça repart. Bon, nous autres, sédentaires, bon, alors, ça a de la gueule parce qu'on vit dans de la pierre, hein, seulement voilà, ça coûte du pognon. On est cuit, il va raser la Bretagne. La moitié de l'or, tout de suite, ou tout va brûler! La moitié de l'or? Mais c'est inespéré, sortez sur l'occasion, sire, avant qu'il ne change d'avis. Non, mais attendez, c'est pas de la mauvaise volonté, mais la moitié, ça fait quand même une sacrée somme. Attendez, non, mais moi, c'est pas que je veux pas trouver un terrain d'entente, si vous voulez. Enfin, si la moitié des réserves se foutent le camp maintenant, nous, derrière, eh ben, on tient pas le coup. Pourquoi pas? Mais parce qu'on a des frais, vous pouvez pas vous rentrer ça dans le crâne. Ou alors, faudrait demander un soutien à Rome, enfin, à Rome, en ce moment, hein. Ah ouais, c'est pas Byzance, hein. Byzance, oui, il y a du pognon. Enfin, je les connais pas, les mecs, moi. Alors, les femmes! Les femmes? Quoi, les femmes? Donne-nous les femmes! Bah, faut voir, enfin, ça dépend lesquelles, quoi. Toutes les femmes! Ah non, toutes les femmes, non. Ça... Ah! La nourriture! La nourriture, qu'est-ce qu'on bouffe, nous, derrière? Non, la nourriture, non. Les couverts! Non, les couverts, c'est pareil, c'est pas possible. Le linge de maison! Le linge de maison? Ah, allez, les bras, les serviettes, tout ça, c'est pour nous! Sire, on ne va pas lui donner le linge de maison. Des étoffes ouvragées aux motifs celtiques d'une qualité exceptionnelle. Non, le linge de maison, non. On le garde. Quelque chose de typique! Quelque chose de typique? Quoi comme chose de typique? N'importe quoi qui est typique! Sinon, on casse tout! Typique, typique... Non, moi, je suis désolé, je vois pas ce qu'on peut vous donner, là. Ah! Oui, non, mais d'accord, mais... C'est typique! Ah bah là, y a pas plus typique, hein. C'est de la viande de cerf mijotée dans le miel. C'est le plat breton typique. C'est meilleur chaud, hein. Seulement là, aux cuisines, ils sont sur le repas du soir, hein. Ils ont pas trop le temps. Victoire! Excusez-moi, je fais le santé! All right. Are you ready for one more? No. It's time to go home. Thank you, good night. Ouch. Ooh, that hurts. Okay, Quebec deserves one more song, of course. All right. So if we play this, we're gonna make a deal, all right? We play one more song, you give us the rest of your energy, all right? Is that a deal? You're making a deal with the man looking like this? Are you crazy? Yes, you are. Can we please turn on the house lights? I want to see Quebec. Hey! Hey! It's the Metallica family Quebec style, yeah! Okay, we have a deal. You need to sing three words extremely loud, okay? It's simple. Three simple words. Seek and destroy!